Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est samedi et c'est l'heure de votre émission Dr Disco et Mr Funk. J'espère que tout se passe bien pour vous. Accrochez-vous, on va démarrer par la découverte du jour. J'ai nommé Fatback Band à leur titre I Found Loving. Le groupe est né en 1970 à New York. Il commence dans le jazz pour évoluer rapidement vers le funk. Pas mal de titres sortiront durant cette décennie. Bah, on va un peu les comparer à Sugar Hill Gang. Celui qu'on va écouter date de 1985. Après un dernier album sorti en 1988, c'est le Silence Radio, mais pas pour nous. Bonne dégustation! D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. C'est le moment de notre rubrique Les 100 hits. Aujourd'hui, ça va être sport. On va s'attaquer à Carl Douglas et son Kung Fu Fighting. Il faut savoir que c'est le 26e single le plus vendu au monde avec 11 millions d'exemplaires. Il fut numéro 1 dans plus d'une dizaine de pays, mais revenons quand même à la genèse. Ce titre, il a bien failli ne jamais voir le jour. Suite à la vague des films de Bruce Lee à l'époque, Carl Douglas, un chanteur jamaïcain, compose cette chanson, la propose à son groupe funk, qui lui n'est pas du tout alors intéressé. Douglas est contacté peu après pour enregistrer un autre titre par un producteur, Bidou Appia. La session, elle se passe bien et on cherche un titre à mettre en face B. Carl va proposer Kung Fu Fighting et en moins d'une heure, le titre est enregistré. Les quêtes de la maison de disques proposent de le mettre en face A. Le producteur forcé accepte, mais pense qu'il s'agit d'un bien mauvais choix. Bingo, au bout de quelques semaines, les DJ le font passer en boucle. Le morceau, dans son introduction, nous transporte en Chine, et Carl Douglas, habillé en kimono et bandeau sur la tête sur les plateaux TV, joue le personnage à fond. Il effectue même des mouvements empruntés aux arts martiaux. C'était en 1974, et ça donnait ça. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with Encore une nouvelle rubrique, je vous en avais promis des nouveautés, bah vous allez être servis. Elle s'appelle Face B. On connaît tous les succès des artistes, mais que referme leur Face B? On peut y trouver des trucs sympas, vous allez voir. Le premier invité, c'est Village People. Vous connaissez In The Navy, mais la Face B un peu moins. Le morceau s'appelle Manhattan Woman. Ah et là, il est assurément peu connu pour le coup. Le single sera le dernier des Village People à entrer dans le top 10 US. Allez, on se lance. We'll be right back. Pour le maxi du jour, on va partir sur Rockwell et son fameux Somebody's Watching Me. Sorti en 1983, c'est le plus gros succès du groupe. Le titre, au thème musical effrayant, traite de la paranoïa. En français, il signifie « quelqu'un m'observe ». Michael Jackson y participe dans les refrains. Alors au départ, il y a son frère Jermaine qui avait aussi enregistré sa voix, mais à la demande de Berry Gordy, Rockwell n'a retenu que la voix de Michael pour résultat que nous connaissons. Allez, c'est parti! Thank you. Gadget, le festival de toutes les musiques. La pépite du jour, c'est Delegation. On a déjà entendu pas mal de titres du groupe, mais j'ai découvert celui-ci par hasard. Sorti en 1983, It's Your Turn mériterait d'être plus connu, et c'est pour cela que la pépite existe. Il est extrait de l'album Deuce Height. Le rythme est tout simplement fantastique et je ne peux pas résister à vous passer la version maxi. Dégustez maintenant cette ode au funk. On arrive au terme de notre rendez-vous. Je vous dis bonne soirée, portez-vous bien et à samedi prochain. Bye bye.